éclair. La fenêtre de ma chambre viens, je vais te montrer l'étendue de mon talent. Viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour être grand. Une fille m'a dessiné un cœur. Sur le bras, viens, je vais te montrer l'étendue de mon talent. Viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour être grand. J'ai mis du gruyère moisi dans mes pattes. Je vais te montrer l'étendue de mon talent. Oh oui, viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour être grand. Oh,